Amateurs de bande dessinée, de gogno et de mauvaise foi, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, l'émission spéciale de Noël. Je vais vous présenter, ceux qui sont autour de la table avec moi, François Angers. J'ai Alex Drouin. Salut. Tania Beaumont. Allô. Et Guillaume Plante. Bonsoir. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que c'est E égale RG2? Eh bien, c'est le rendez-vous hebdomadaire de l'été à CKRL pour tous les amateurs de bande dessinée. On est là depuis 3 ans. Et à l'époque, ça a commencé avec un projet de faire tous les albums de Tintin en ordre chronologique. Et d'en discuter de manière qu'on a appelé Tintino ludique. Et on a pris cette mauvaise idée et on l'a portée jusqu'au bout. On a mis ce projet à terme. On l'a fait. L'année d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le meilleur et le pire. On est allé choisir tous les meilleures séries de l'histoire de la bande dessinée. On a pris le pire album et le meilleur album selon l'Internet et on en a fait une saison complète encore une fois. On a pris une mauvaise idée, on s'est dit comment amoindrir le concept. Et ce qu'on a fait cet été, c'est le combat des genres. Donc il y a plusieurs genres dans la bande dessinée comme on sait tous. Alors à chaque semaine on prenait un genre, on avait tous un ordre désigné et on choisissait chacun une bande dessinée et on en débattait. On avait toutes sortes de choses à dire sur plein de bandes dessinées, plein de genres super intéressants, comme l'espionnage, l'horreur, on a fait les super-héros. Un commentaire, Guillaume? On a fait Francis Desharnais. Oui, tout à fait, oui. Qui est un genre en lui-même. Et toutes ces saisons-là sont disponibles en balado, mais je vous conseille fortement la 3e saison. Les 2 premières sont moins bonnes vu que j'étais pas là. Ouais, la mauvaise idée saison 3, c'était de prendre Alex. Et là, on est là, de retour. On est de retour pour un soir seulement. On peut dire, j'imagine qu'on peut dire ça. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait pour les amateurs de bande dessinée. On fait un épisode spécial, donc pour Noël, la direction de CKRL qui nous a permis, après de fortes pressions, de reprendre le micro et de refaire un épisode de Noël de E égale RG2. Et ce soir, eh bien, on va parler de des bandes dessinées de 2018. C'est pas les coups de cœur, parce que ça pourrait être des BD coups de cœur astérisque, sauf les BD coups de cœur qu'on a déjà eus pendant saison 2018. Donc, c'est soit les coups de cœur, soit les restants de coups de cœur ou les restants points. En temps des fêtes, il y en a toujours, anyway. Oui. Comment ça va se dérouler ce soir? Je vais vous expliquer. On va tout d'abord vous présenter les bandes dessinées qu'on a choisies selon un ordre qui a été établi précédemment par... Nous, on a une fascination depuis l'album Le Lotus Bleu de Tintin pour un appareil qui s'appelle un goniomètre. Et ouais. Guillaume Plante, qu'est-ce que c'est un goniomètre? Un goniomètre est un appareil qui sert à mesurer les gonios. Voilà. Et donc, c'est ça. On a un goniomètre. On a acheté un goniomètre. C'est déréglé. Francis Desharnais a essayé de le réparer. Ça n'a pas fonctionné. Le goniomètre a pris le contrôle de l'émission et c'est lui qui détermine l'ordre de sélection des bandes dessinées selon des offrandes que nous lui avons faites. Et donc, dans quelques instants, on va vous dévoiler tout ça, quelles sont les offrandes et quelles sont les bandes dessinées que nous avons choisies. Mais tout d'abord, vous savez tous que CKRL est une radio qui est communautaire, donc qui a besoin d'argent. On vous invite à devenir membre. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, ckrl.qc.ca, www, ce qu'il faut encore le dire, Tania, toi qui es une ancienne... Je pense que tout le monde, de toute façon, va taper CKRL dans Google puis cliquer sur le premier lien. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Oui. Donc, c'est ça. CKRL... a des besoins de commanditaires. Et nous, comme c'est Noël, on en a à vous présenter parce que nous aussi, ça se paye, ce temps d'antenne. Donc, E égale RG2 est une présentation de l'entrepôt de la crèche vivante. Depuis plus de 40 ans, c'est LE spécialiste dans le commerce de sosies d'icônes religieuses chrétiennes. Votre Joseph a pris du poids. On a un tout nouvel arrivage de vieux charpentiers barbus avec des abdominaux divins. Vos rois mages ne sont plus frais. On a un super combo avec Melchior, Balthazar et l'autre gars. Nos maris ont la gestation tellement divine, vous ne croirez jamais que leur conception était maculée. Et pendant votre magasinage du temps des fêtes, prenez une pause dans notre casse-croûte, le Nazaroteux, et dégustez un savoureux Mir Burger au bœuf et à l'âne. Profitez également d'un 2 pour 1 sur nos bébés Jésus 2017, qui sont maintenant des bambins Jésus. La promo s'applique jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'à la prochaine purge du roi Hérode. À l'entrepôt de la crèche vivante, vous cracherez pas sur nos crèches. Et nous sommes également présentés par Party Non. Mettez du Platon dans votre party ou de bureau. Appelez Party Non. Voyons et donc. Aussi par Orfèvre au lard. C'est comme de l'orfèvrerie, mais avec du lard. Alors voilà. C'est merci. Spécial Noël, c'est toujours plus payant. Hein? Oui, oh oui, c'est ça. Les commanditaires sont à. Puis, ce qui est nos le fun portes. Avec les petites figurines de Jésus de l'entrepôt de la crèche vivante, c'est qu'après 33 ans, tu peux y mettre sur un crucifix. Oh, Seigneur. Voyons, Alex. Alors, voilà pour nos commanditaires. On va démêler tout ça, on va reprendre nos esprits. On va écouter une chanson et on va vous revenir dans quelques instants avec la suite de Égal RG2 spécial Noël. Retour à CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2 spécial Noël, car comme tout le monde le sait, qui dit hiver dit phylactère. On parle de bande dessinée, on parle de Gogno et on parle de mauvaise foi. En fait, on parle pas de mauvaise foi, on en a. On en a beaucoup. On, ouais, possède, ouais. On possède de la mauvaise foi. Elle est bien ancrée. Oui. Mais on a des coups de cœur, on sera pas très méchant avec... Non, je penserais pas. Donc, comme j'expliquais avant la chanson, la procédure de sélection des bandes dessinées E égale RG2, c'est très compliqué. C'est le goniomètre qui décide et il faut faire des offrandes au goniomètre pour nourrir la bête, malheureusement. Et cette semaine, le goniomètre voulait des cadeaux spécial Noël. Donc, il a fallu donner des cadeaux qui sont dans la chanson. Vous savez, les 12 jours de Noël. Alors, on ne sait pas quelle version, par exemple. Non, mais moi, je ne sais pas. J'en connais juste une, Tania. Il y en a plusieurs. Vous autres, les gars? Je savais pas c'était quoi cette chanson-là avant aujourd'hui. OK. Ben, je connais juste la version Dance Mix. OK. Alors, c'est moi qui vais avoir le premier, la première offrande au goniomètre. Et ce que je lui ai offert, c'est ben, le premier jour de Noël, on offre une perdrix dans un poirier. Alors, moi, j'ai littéralement pris un ami que je connais, Michel Poirier, et je l'ai littéralement inséré une perdrix dans le Michel. On le salue, il est mort. On dit bonjour à notre ami musicien slash réceptacle à voix latine. Alors, il a un galinacé dans l'œsophage. Voyons, on le salue. Et j'ai choisi pour ma BD de 2018 le tome 3 de la série Tyler Cross qui s'appelle Miami. Alex! Oui, alors moi, j'ai fait une offrande au goniomètre. Première des choses, avant de révéler c'est quoi mon cadeau, juste dire, je l'avais bien emballé, j'avais amené des gants, un dé, pour que le goniomètre puisse rouler un dé, puis quand il y a un 6, il déballe avec des très gros gants de hockey. Mais je me suis rendu compte après que le goniomètre avait pas de main. Fait que ça, c'était comme un peu plate. Mais j'ai offert 5 anneaux d'or! Ah, et pour les récupérer, oui, je suis allé dans le jeu vidéo Sonic le hérisson, j'ai donné un gros coup de poing d'en face, puis j'ai ramassé 5 anneaux qui ont revolé de son corps une fois que j'ai donné un coup de poing. Ce qui m'a permis d'avoir le deuxième choix cette semaine, et de choisir La Petite Russie de Francis Desharnais aux éditions Pau-Pau. Francis Desharnais, ami de l'émission. Oui, un ami de l'émission. On le salue d'ailleurs. Mais oui. Troisième choix, là je vais pointer Guillaume, mais c'est Tania. Moi, j'ai offert au goniomètre 10 monsieur sautants. 10 monsieur sautants. 10 monsieur sautants. C'est bizarre, pareil, ça. C'est très, très bizarre, mais on est allé voir un spectacle de tap dance ensemble avec le goniomètre. Ah. Donc, comme ça, il y avait au moins 10 monsieur sautants sur la scène. Il y avait ça où on allait où ils sautent, mais c'était plus des 10 enfants sautants. Ça crie tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était, j'ai préféré le tap dance. J'ai jamais allé, là, mais ça crie tout le temps. C'est sûr que ça crie tout le temps. On confirme, ça crie tout le temps. Parfait. Maintenant, Guillaume Plante. Oui, moi, pour de ma part, j'ai donné au goniomètre 11 joueurs de fifre. Grosse surprise. Il était tellement content. Le goniomètre, il capote bien raide sur le fifre. J'ai trouvé les meilleurs joueurs de fifre de la Montérégie qui ont fait un show juste pour lui, sauf qu'on s'est rendu compte que j'avais 10 joueurs de fifre et un joueur de bugle. Franchement. Quand il s'est rendu compte... T'as dû avoir l'air cave. Hein? Ah. Faut jamais padder ses fifres avec un bugle. Sachez-le maintenant, et le goniomètre était en furax, hein? Pistolet. Oui. En beau pistolet. Pistolet. Et c'est ce qui fait pour que tu as le dernier choix. Ah oui, oui, je suis officiellement huitième. Mais malgré tout, ton choix? Ah oui, mon choix, oui, ben quand même. C'est parce que moi, je ne l'ai pas nommé. Ah, tu l'as pas nommé? Ça, moi, je l'ai pas dit. Oui, on va laisser Tania dire. C'est parce que je ne suis pas habitué d'aller voir du tap dance. Moi, j'ai pris Sviane au Japon sur recommandation de Guillaume Plante. Je vais te donner le crédit. Oui, et moi, bien sûr, grâce à mes joueurs de fifre, j'ai pu quand même choisir Les Ananas de la colère par Caton aux éditions Pau-Pau. Parfait, alors voilà le... Comment ça se passe pour les bandes dessinées? Table et mise. Trois BD québécoises trois BD québécoises de l'étiquette Pau-Pau. Oui. C'est quand même pas pire. Un éditeur qui prend de plus en plus d'ampleur dans le panorama BDiste du Québec. Ça fait 6 Pau. Ça fait beaucoup de Pau. Ça fait beaucoup de Pau. Il peut bien être en pistolet. S'il y en a qui ont peur, à chaque fois qu'on dit Pau... Soyez avertis. Oui, exactement. Ouais, on va le dire très souvent. Ouais, on va dire que pour pas que personne fasse de saut. Alors, je vais Bon, je vais me lancer pour la première bande dessinée de nos coups de cœur 2018, astérisque, sauf les coups de cœur de 2018 dont on a déjà parlé. Ouais. Moi, je vais dire tout de suite en partant que mon coup de cœur de 2018, on en avait déjà parlé justement, astérisque. C'est une BD que Guillaume Plante nous avait présentée au courant de l'année, qui est une splendide bande dessinée, une fantastique bande dessinée qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé de Fab Caro. Oui. C'est décadent comme j'ai ri comme ça n'a pas de bon sens. Et si ce n'est pas déjà lu, vous y allez. Oui. Faites pause là présentement si vous écoutez en direct. Faites pause pareil. Peu importe. Trouvez un moyen. Allez acheter la BD. Si vous aimez rire, vous aimez les blagues de Macédoine, il y a tout pour vous là-dedans. Il y a tout. Donc, je me suis rabattu sur une autre bande dessinée de 2018. Tyler Cross, le tome 3 Miami, une série que je connaissais déjà. J'avais lu les deux premiers tomes. qui sont parus, je crois que c'est un par année, donc les deux tomes, je pense, sont sortis en 2016 et 2017. C'est une série qui est écrite par Fabien Nuri, qui est très en vogue en ce moment. Il a écrit, entre autres, Silas Corey et La mort de Staline, que vous avez peut-être lu ou vu, parce qu'il y a eu un film récemment. Ou vécu, si vous êtes Staline. Très, très vieux, oui. Exactement. Et par le dessinateur Bruno, qui a des trémas sur le U, donc c'est peut-être Bruno. Bruno. J'imagine, qui lui a dessiné... entre autres, un truc qui s'appelle Les aventures de Michel Swing. Ça me faisait beaucoup rire. J'ai jamais lu, mais c'est lui qui a fait ça. Et qu'est-ce que c'est, la série Tyler Cross? Eh bien, c'est une série. C'est très, très. Ben, c'est pas juste très, très inspiré. Là. C'est complètement inspiré des polars des années 50. On est dans le noir, on est dans les codes du noir, là, dans les criminels, les femmes fatales. Tout y passe. Tyler Cross, ben, le personnage principal, c'est un criminel. C'est un criminel généraliste. Il fait de tout. Je veux juste dire, Tyler Cross, là, ça a l'air d'être le nom d'un athlète des X Games, genre, qui va faire le Big Air en skate. Aussi. Alors, c'est qu'il y a 15 lutteurs qui ont ce nom-là. C'est clair. Dans la même ligue de lutte. Donc, c'est ça. Il fait tout, Tyler Cross. Drogue, meurtre, extorsion, kidnapping, vol de banque, là, nomme-les. Il fait, et dans le tome 3, Miami, qui se déroule à Miami, c'est donc Tyler Cross, il y a un avocat véreux, nul besoin de le préciser, qui lui doit de l'argent. Et là, l'argent est pris dans un truc, dans un truc immobilier, donc ils peuvent pas sortir l'argent parce qu'il est déjà investi. Le promoteur du projet immobilier, il doit recevoir un pot de vin en cash, et là, Tyler élabore un plan pour voler l'argent. Évidemment, ça va très très mal se terminer. Tout ça, là, j'ai pas besoin de vous dire là, que ça finit dans le feu et le sang. Comme ça devrait, hein, c'est quand même c'est normal. Et truc intéressant, ce qui est bien dans cette série-là, c'est qu'il y a une voix off, un narrateur, comme dans plusieurs trucs polars. Sauf que dans celle-là, le narrateur, il parle des faux personnages. Un peu comme dans Pocoyo, s'il y en a qui ont déjà vu ça. Non. Série pour enfants, petit bonhomme bleu. Ah ouais. Ben, c'est ça, Pocoyo. Donc le narrateur des fois parle au personnage dans Pocoyo, ben là-dedans aussi. Et c'est ça, ça se termine quand même pour plusieurs des personnages, je dirais la grande majorité des personnages, ça se termine très très très mal. Est-ce qu'il y aura un tome 4 selon vous? Oui, il y aura un tome 4. Le héros s'en sort toujours. Okay, c'est bon. Du moins le anti-héros s'en sort toujours. Oui, il va sûrement avoir un tome 4, là, c'est une série. Et c'est magnifique, les couleurs sont fantastiques. Super, les couleurs à plat, c'est vraiment... On sent vraiment Miami. Dessin fantastique, la ligne claire. Tyler Cross est très angulaire ou anglu, je sais pas. Toutes les femmes sont rondes, c'est des espèces de grosses lèvres. Polar, super bon. Tyler Cross, Miami. Tome 3. Pour les amateurs de grosses lèvres en couleur, en aplat. Oui, c'est là que ça se passe. c'est très niché. Fantastique. Eh ben, oui, à mon tour, grâce à mon offrande, moi aussi, j'avais donné des coups de cœur 2018. Effectivement, Si l'amour s'était aimé de Fab Caro, c'était incroyable. Mais il faut flinguer Ramirez également. Aussi. Tome 1 oui. que j'ai eu la chance de lire, c'était incroyable. Si vous avez un peu ça aussi, un film, un peu un film. Je dis un film parce que la BD est très cinématographique. Mais bref, aujourd'hui, on parle d'un ami de l'émission, Francis Desharnais, et de sa BD historico-bio-romancée, La Petite Russie. C'est quoi ça, en fait? C'est la vie des grands-parents de Francis Desharnais au sein du village coopératif de Saint-Émile-de-Guyenne, en Abitibi, à la fin des années 40, jusqu'à peu près au milieu des années 60. C'est vraiment un pan de sa vie personnelle, du moins de certains de ses ancêtres, et du Québec, qui est un peu moins connu. Alors, ce village-là, en fait, de Guyenne, alias la Petite Russie, par leur aspect coopératif. Les gens pensaient que c'était des communistes. C'est revenu bien à la mode, d'ailleurs, en 2018. Dans ce temps-là, on parlait des communistes. Il y en avait partout, des communistes. Oui, il y en avait partout, des communistes, dans ce temps-là. Alors, le village, il y avait un drôle de modèle, c'était de fonctionner sous régime coopératif. Alors, t'arrivais là, tu signais un contrat, tu donnes la moitié de ta paye au village, puis les décisions se prennent en groupe par vote. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de politicaerie, c'est vraiment des réunions avec les gens du village, a.k.a. les hommes du village, qui décident des affaires en réunion. Alors, on passe notre temps entre la vie et les envies, en fait, de Marcel, le grand-père de Francis, et Antoinette, sa grand-mère. Et pendant que, bon, on voit le développement du village, comment ça fonctionne, les hauts et les bas des décisions qui sont prises par les gens, puis les changements technologiques aussi qui arrivent au Québec à cette époque-là et au fil des années, avec également un regard sur la coupe du bois et l'agriculture, qui sont en dualité, à savoir lequel des deux modes de vie devrait être le meilleur. Puis c'est vraiment... comme je disais, une loupe, un regard posé sur un pan de notre histoire québécoise et de ce petit village-là bien particulièrement, qui est à la fois assez fascinant. Alors, Francis Darnel l'a dit également en entrevue, il a pris plusieurs éléments de trucs réels qui sont arrivés, en fait, à ce moment-là. Il a lu un livre que son grand-père avait écrit par rapport à ce village-là. Il a parlé, justement, à des membres de sa famille pour savoir comment ça a été. Son père est né là, habité là longtemps également. Puis il a romancé un peu certains éléments du livre également pour passer. Fait qu'on passe quand même 20 ans là, avec ses grands-parents et ce village-là. Et c'est assez fantastique et intéressant, très instructif, très le fun aussi. Assez dynamique également au niveau des péripéties. Il n'y a pas nécessairement de temps qui est donné à chaque fois en disant « Ah, 5 ans plus tard, 8 ans plus tard. » On voit le temps qui passe, ça se fait dans un flow très naturel. J'ai bien aimé ça. Je crois que c'est sa première BD sérieuse, là, sans vouloir c'est pas péjoratif. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Ouais, quoi, qu'il y a quand même des moments comiques là-dedans. Mais ça se veut pas à la base. Non, c'est ça. Il y a pas des jokes de bro là. Non, il n'y a pas de joke de bro. Pourtant, puis ça. Ou de d'îlot de cuisine. Non, avant, il avait fait Salomé et les hommes en noir, je crois, qui était aussi dans Plus senti. Okay. Il y a plusieurs cordes à son arc, notre Francis. La couverture est magnifique. J'allais dire moi-même, je trouve ça super très beau. Même si vous la lisez pas, là, juste la laisser traîner dans le salon. Oui, ah oui, ça augmente ton salon. Là. Ça apparaît pour ça. Au moins. Pour du home staging, là, si vous vendez la petite Russie. C'est pas pire. Ça coûte moins cher que de te refaire le. Tout. Ça coûte moins cher que de faire tout. Effectivement. Probablement pour ceux qui vendent. Je voulais dire le caulking, mais j'avais pas le mot caulking qui me venait. Malheureusement. Pas grave, j'ai dit. Je pouvais pas t'aider. C'est fait. Hey, moi, je reste encore aux éditions Papa. On est dans notre lignée avec Sviane au Japon. C'est simple, c'est Sviane qui est au Japon. Une autre amie de l'émission? Oui, une autre amie de l'émission, ou c'est plus l'émission qui est son amie, je pense, parce qu'on l'aime. C'est donnant-donnant. Elle revient régulièrement parce qu'on aime ce qu'elle fait et ce serait pas pareil si c'était pas elle qui racontait cette histoire-là, parce que c'est un carnet de voyage. Donc, c'est simple comme ça. Elle trippait sur le Japon. Elle est allée pour faire quelques trucs de BD et elle a décidé de rester un peu plus longtemps. Et elle nous raconte ça, mais elle nous le raconte. On dirait vraiment qu'elle nous parle. On sent son excitation, autant dans les dessins que dans la manière de l'écrire. Elle nous parle directement, comme si on était son amie, justement. Donc, on a vraiment l'impression d'être assise à côté d'elle, qu'elle nous parle, qu'elle nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et au-delà du carnet de voyage, on voit vraiment tout ce qui l'émerveille, mais ce sont les petites choses, là, ça devient presque un, peut-être pas un guide de voyage, mais quelque chose à lire avant d'aller au Japon. Il y a toute une section sur la petite monnaie. Donc, comment reconnaître les pièces? Elle les a vraiment toutes dessinées avec, j'imagine, une bonne fidélité, hein, parce que je n'ai malheureusement pas de yens sur moi. Mais on a vraiment les pièces de 100, de 50, de 500. Et comment les reconnaître dans son porte-monnaie? Donc, elle a fait une vue de haut de son porte-monnaie avec les petites pièces. Donc, comment les retrouver rapidement? Donc, si jamais on va au Japon, c'est le genre de conseil qui est assez pratique à savoir. Et ben, elle nous parle carrément de qu'est-ce qui l'a impressionné, surtout les trucs culturels différents, par exemple, les nombreuses distributrices qui sont un peu partout quand elle mange à un endroit, certains traits culturels aussi des gens. Comment savoir si c'est un trait culturel d'une seule personne ou d'une culture au complet? Donc, il y a aussi à la fin une espèce de comparaison entre Angoulême et le Japon, donc la culture française et celle japonaise qui est quand même assez différente. Ça prend un certain sens de l'observation pour distinguer Angoulême et le Japon. Il y a une coupe de montagne. Oui, mais c'est bien dessiné. Donc, on le reconnaît quand même très bien. Et ben, c'est pour ça, c'est pour cette fraîcheur, c'est pour l'excitation du Japon qu'on vit avec elle dans le carnet de voyage que ça nous donne vraiment envie de partir voir là-bas, mais surtout de devenir amie avec Sviane, encore une fois, à travers sa bande dessinée. Mais moi, j'aime bien ça, cette je sais pas si on peut dire une mode, mais le fait, ce que j'appelle les BD de référencement, qu'il y a depuis, tu sais, justement, le bestiaire des fruits, la liste des choses qui existent, dans, justement, là-dedans, tu dis qu'elle présente toutes les pièces de monnaie, tu sais, c'est ça, c'est du référencement visuel. J'aime bien ça. C'est pas juste du divertissement. J'apprends des choses. Mm-hmm. Il y a ça aussi. Parce que Sviane a un esprit d'analyse tellement poussé dans tout ce qu'elle entreprend. Ça va jusque dans Sviane au Japon où est-ce qu'elle dissèque tout ce qu'elle croise dans son environnement avec un œil acéré. Mais les émissions de télé, elle nous raconte quelle chaîne elle regarde, quelle est la spécialité de la chaîne et le genre de publicité même c'est un facteur, je pense, c'est important. Le genre de pub avec, mais vraiment beaucoup de détails, encore des flèches qui nous ramènent à... mais vraiment, là, c'est plus qu'un carnet de voyage. C'est quelque chose à lire avant un voyage au Japon, assurément. Parfait, donc voilà pour Svian au Japon. Et on termine avec Papa, oui. Guillaume et sa dernière sélection qu'il a eue à cause d'un bugle. À cause d'un vil bugle. C'est quand même drôle parce que La Petite Russie et Svian au Japon faisaient partie des trois livres que j'allais faire dédicacer au Salon du livre de Montréal. Que je suis vraiment allé à Montréal. Ben oui, j'étais allé à Montréal. De ses voyages. Ben oui, oui. Et... fais un carnet. Oui, parce que Francis et Svian, c'est deux valeurs sûres. Et mon troisième choix que je voulais absolument prendre, c'était... Les ananas de la colère de Caton, parce que plus tôt dans la saison, j'avais parlé des cousines vampires, que c'était si le Dracula de Bram Stoker était écrit à place de sur du papier, sur de la barbe à papa. Tout est rond, tout est sucré, tout est adorable, tout est rigolo, mais ça fait peur pareil. Et quand j'ai su que Caton allait faire un polar qui se situe dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières, je m'étais dit, c'est la chose qu'il faut le plus que je lise au monde. T'es clairement le premier public pour ça. Ah, oui, c'est incroyable. C'est encore drôle, j'ai déjà habité dans ce quartier-là, moi. Ah oui, j'ai pensé à toi en consultant ce livre-là. Et c'est, à ma grande surprise, ben quoi, je m'attendais pas à ce que le livre soit de la bouette, bien au contraire, parce que Caton, elle a entre autres fait aussi sur la liste des choses qui existent avec Iris, que c'est un petit bijou d'humour de référence. Et... c'est probablement la BD la plus drôle que j'ai lue depuis longtemps. Et j'inclus le fabuleux ici, oh, l'amour, oui. C'était attention, oh, oh, oh, oh, oh, attention, c'est dur. Et je peux même, changer. Je peux même avancer que ça l'a peut-être topé dans mon cœur le bestiaire des fruits, oh, de Svian. Mais voyons donc. Et ce n'est pas plaisir. Believe the hype. Oui, parce que... encore une fois, c'est les aventures de... ben, je vais vous lire la description... Tu vas nous lire le livre. Oui, oui, oui. Page 1. Je vous lis simplement la description dans la couverture. C'est « Lorsque Bonnie Lavallée est trouvée morte dans son appartement, la police de Trois-Rivières croit avoir affaire à une banale intoxication au piña colada. Mais Marie-Pomme, voisine de la victime et barmaid à l'ananas d'or, est convaincue que l'ancienne championne de limbo a été assassinée. Et puisque les forces de l'ordre sont occupées par leur épluchette de blé d'Inde annuel, c'est à elle de mener l'enquête. C'est grotesque, c'est caricatural, mais c'est... atrocement drôle et ça respecte scrupuleusement tous les schémas du polar. Il y a quand même la personne impliquée malgré elle dans une sordide histoire de meurtre qui décide d'enquêter et de venir de tirer toutes les ficelles de l'énigme malgré l'opposition des forces de l'ordre, parce que tous les policiers de Trois-Rivières sont à l'épluchette de blé d'Inde, ben alors oui. Il en reste juste un qui est vraiment fâché de ne pas être en train de manger du blé d'Inde. Alors, c'est horriblement hawaïen, les belugas qui sortent dans l'eau. On a un professeur de surf sur le Saint-Laurent. On a des madames en tiki qui jouent au quilles et qui fument des clopes. C'est la chose la plus hawaïenne que j'ai vue de ma vie. Les dialogues sont merveilleux. Une fois de temps en temps, quand on rencontre un nouveau personnage ou un nouveau lieu ou un objet quelconque, on a une page dédiée à des fiches descriptives que juste là-dessus, il y a des punchs incroyable. Sérieusement, encore une fois, après que vous aviez fait pause pour aller acheter Et si l'amour s'était aimé, c'est de valeur. J'aurais dû le dire en même temps parce que vous n'auriez pas eu à faire deux voyages. Parce qu'il faut, faire pause et il faut retourner à la librairie pour ramasser les ananas de la colère. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'année. Wow, moi, c'est toute une, une nouvelle. Moi, je suis désolé, je suis resté juste pris avec les madames habillées en tiki qui jouent au quilles. Je pensais juste qu'ils jouaient au tiki. Oh! Mais là, Alex, ex-trifluvien oui. D'adoption, le quartier, à part le coconut, le quartier hawaïen de Trois-Rivières, on parle de quoi, là? Le coconut bar. Okay. C'est bon. C'est bon à savoir. Bien, ça fait le tour de notre premier tour. Est-ce qu'on peut faire une pause pour aller acheter la BD? Oui, faudrait. Ouais. Parce que moi, je l'ai pas. Je vais aller l'acheter tout de suite. Alors, on fait une pause avec encore des commanditaires, des vrais, je crois, cette fois-ci. Cette fois-ci, oui. Et on revient après une deuxième chanson, on revient avec la suite de Égal RG2, spécial Noël. Ah. retour sur CKRL. Vous écoutez encore une fois l'émission E égale RG2 spéciale Noël. On est avec vous pour encore 30 minutes. On parle encore une fois de bande dessinée 2018. Si vous êtes bien sûr un amateur de bande dessinée de Gogno et de mauvaise foi, c'est l'endroit rêvé. Et on vous rappelle que qui dit hiver dit phylactère, qui est notre soirée qu'on a malheureusement dû adapter. Parce qu'on peut pas dire qui dit été dit BD. Non, puis l'été, d'habitude, on s'enferme à l'intérieur dans le sol pour lire des BD. L'hiver, on sort dehors par grand froid pour lire à l'extérieur. Oui. Ça a pris une bonne semaine trouver un nouveau slogan à l'émission. Oui, parce que en plus, moi, je peux juste à peu près lire des bandes dessinées vers 4 heures. Fait que moi, ma vision a baissé là, de peu près 20 là, depuis le début de l'hiver. Là. Ouais, je lis ça dehors, pas de lumière, une rien. Lampe. Ah, c'est vrai, c'est pas bête, ça. C'est pas fou, ça. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. On a, en première demi-heure, on a parlé de nos bandes dessinées. Coup de cœur, astérisque, sauf les bandes dessinées coup de cœur de 2018 dont on a déjà parlé. Donc, on a parlé, moi j'ai parlé de Tyler Cross, le tome 3, Miami. Alex Drouin, à ma gauche, a parlé de La Petite Russie, de Francis Desharnais. Tania Beaumont a parlé de Svian au Japon et Guillaume, avec tout un upset, comme ils disent au football, de la bande dessinée la plus drôle selon Guillaume, qui est une référence en la matière. Je crois que oui, mais oui. Les ananas de la colère de Caton. Je me suis pas nommé, je suis François Angers et on poursuit. Tout donc, ce temps-là, tout ce temps-là c'est moi. Oui. J'ai enlevé mon masque. Ah, ouais, donc, il a enlevé sa peau de face, fait qu'on voit juste un squelette. quel mauvais son à la radio, hein. C'est épouvantable. Il a enlevé son masque en raclant sa gorge. Oui. Alors, la deuxième partie d'émission, ce sera consacrée à des questions. On pose des questions pour essayer de décortiquer nos bandes dessinées d'une autre façon plutôt que de les analyser. Là, tout on ne serait jamais allé sans ces questions. Non, c'est ça. De façon très intellectuelle et très... très intelligente. Nous, on se pose des questions. C'est ça qu'on fait. C'est un quiz. On l'appelle le Gogno Quiz en l'honneur, bien sûr, du Gognomètre. Non. On exclut la personne qui parle étant moi. On a voté. Non. On a voté. Tania s'est abstenue. Moi et Alex, on a voté. Quoi que c'est le Gognomètre qui décide, normalement. On a gagné. Donc, on va y aller tout de suite comme ça. Je rappelle le tour de table. C'est dans l'ordre de vos offrandes. Donc, moi, Alex, Tania et Guillaume. On va commencer tout de suite. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne qui est la question fondatrice de Égale RG2? Tyler Cross, non, il n'y a pas vraiment d'allégorie de la caverne. On est à Miami, donc on est au gros soleil tout le temps. Il y a un personnage, à un moment donné, qui est enfermé dans un sous-sol. Je pense pas que ça compte. Je sais pas, à moins que vous me disiez le contraire. Je pense pas qu'être enfermé dans un sous-sol, ça compte. Ça compte pas. Non. Bon, d'accord. Vraiment. Alors non, malheureusement. Non, dans La Petite Russie, non plus, pas vraiment d'allégorie de la caverne. Ça se passe dans le bois, dans Abitibi, pas mal tout le temps. À moins qu'on dise mines que... dans Abitibi. Oui, mais tu sais, les gars de cette histoire-là travaillent le bois, puis leur femme reste dans la maison. Puis c'est là que ça se passe, soit que c'est des agriculteurs ou des travailleurs de bois. Sinon, on pourrait peut-être parler de l'exode de la ville vers des mondes meilleurs, peut-être dans les colonies à l'époque. Mais des trucs intelligents. Ok, ben en fait, non, puis. De toute manière, l'allégorie de la caverne, c'était sûrement pas une caverne coop, fait que non. Non, sûrement pas. Caverne. Non plus, on fait pas mention de l'allégorie de la caverne. Par exemple, Zian nous parle des postes de télé et on le sait que la télé japonaise, ça peut être très, très, très particulier. C'est un peu bizarre. Hein? Ouais, fait que je serais comme pas surprise que dans une des épreuves d'un quiz télévisé quelconque, ben, il y aurait peut-être une épreuve allégorie de la caverne. Ah. Mais c'est pas mentionné. C'est suggéré. Ouais, mais ça, c'est, selon moi, là, l'extrapolation. Ouais. Dans Les ananas de la colère, il n'y a pas de référence à l'allégorie de la caverne. Il y a une référence à la vague parfaite dans Point Break, à peu près, ce qui est pas très loin de Platon. Le personnage de Patrick Swayze est très philosophe, mais malheureusement, on n'a pas effectivement la référence spécifique de l'allégorie de la caverne. On pourrait dire que c'est Platon adjacent. Oui, c'est ça. C'est Platon-ish. Oui. je pense à ça, là, c'est notre dernier tour de table pour l'année 2018. Et je pense qu'il y en a eu zéro référence à l'allégorie de la caverne. Ouais. Tout comme la prochaine question, auquel je pense qu'on a eu zéro, c'est est-ce qu'il y a une citation de Marcel Proust? Et dans Tyler Cross, il n'y a pas de citation de Marcel Proust, là. On va vider la question tout de suite. J'ai noté quand même trois trucs intéressants. Un personnage, à un moment donné, le narrateur dit qu'il a une haleine de poney. probablement parce qu'il a mangé un poney. Et non, Guillaume, je ne veux pas que tu commentes. Il y a un autre truc. C'est pas facile. Qui, un personnage qui dit « Ferme-la, radasse, sinon craque », qui veut sûrement dire quelque chose. Je n'ai pas trouvé quoi. Et un dernier, une vraie phrase qui dit « Shirley Axelrod passe l'heure qui suit à se refaire une beauté. Tyler Cross passe la même heure à se dire qu'il ferait mieux de la tuer. » Wow. J'ai trouvé ça... Wow. Je trouvais que c'était bien écrit. Surtout le nom de Shirley Axelrod. Shirley Axelrod, c'est quand même pas pire. ça me parle. C'est très bon. Pas de citation de Marcel Proust dans La Petite Russie. Pas grand écrivain, poète dans le nord du Québec à l'époque. Oh non, mais attendez, qui est là? Félix Leclerc! Hein? Félix Leclerc a fait une apparition dans La Petite Russie. Et je vous dirai pas pourquoi, ni comment. Vous allez devoir lire le livre pour savoir pourquoi Félix Leclerc est là. Et c'est drôle parce que dans les personnages dessinés, c'est le seul que tu fais « Oh, lui, il a eu une attention particulière qui a été mise sur son visage. » Même si Francis Dernet décide son grand-père, je sais pas de quoi il a l'air. J'ai pas jamais eu de photo, mais Félix Leclerc dit « Oh, oui, ok, lui, il a eu du détail qui a été mis. » Il ressemble vraiment à Félix Leclerc et pas à Daniel Lavoie qui est Félix Leclerc. Sinon, mention honorable également au patois du grand-père de Francis Dernay, Marcel, qui dit très souvent « Sanababish » et le glossaire à la fin du livre nous dit que c'est probablement un dérivé de « Son of a bitch ». Ouais. Même sans glossaire, on peut... Des glossaires, c'est les bonbons avec des raisins. Okay. Oui, en fait, c'est des petites définitions de mots enrobées de chocolat. Ziane non plus ne cite pas Proust, mais cite les sons. Les Japonais nous disent qu'ils sont très, très, très silencieux, mais il y a des sons partout. Par exemple, quand elle rentre dans un restaurant, la porte sonne tout le temps. Donc, elle fait didou, didou, didou, didou, didou, didou, didou. Didou, didou, didou, didou, didou, didou, didou, didou, didou, didou. Ça achève-tu? Didou, didou, didou, didou, didou, didou, my God. Ça, c'est Zviane, didou, didou, didou, didou, prip, prip. Hein? C'est bon. Eh ben. Voilà. Dans Les Ananas de la colère, non, il n'y a pas de référence de Proust. Il y a plein de citations de Plourde, parce que le personnage principal s'appelle Marie-Pomme Plourde, mais malheureusement, non, pas de Proust, mais il y a quand même des petits détails. Il n'y a pas de citation incroyable en tant que telle, mais c'est tout dans leur référence, dans leur situation qui fait que c'est drôle, avec des petites choses comme le Kiorama, ou est-ce que le lundi, c'est soirée disco, mardi, soirée vin et fromage, vendredi, bowling déjeuner, samedi, soirée tropicale, et dimanche, c'est le bowling de Pâques, à tous les dimanches. J'adore ça. Troisième question, une question tuto de table rapide. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un ponton dans votre bande dessinée? Moi, il y en a, il y a des pontons. Non, il y a juste des draveurs. OK. Non, il n'y a pas de ponton. Il n'y a pas de ponton. Il y a une petite passerelle pour se rendre à la plage, mais il n'y a pas de ponton en tant que tel. Parfait, je voulais juste savoir, je voulais... C'est ponton-ish, mais c'est pas, c'est pas ponton. C'est ponton adjacent. Première scène de meurtre, première scène de sexe. Ben moi, comme toutes mes BD cette année à peu près, première page, bing bang, ça part de même. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'affaires qui se passent, mais il y a des gens dans un état de nudité totale. La madame est en bédaine. Oui, la madame est en bédaine. Voilà. Non, moi, pas de... En fait, oui, plusieurs scènes de meurtre. En fait, plusieurs arbres sont assassinés dans le courant. Sauvagement. À grands coups de hache pour être transportés après au village. Mais sinon, non, pas de scène de tout nu non plus. Très absente parce que le clergé est en place et gère un peu les mœurs et coutumes des gens. Notons par contre que... Comment le monde faisait pour faire des enfants? Ah, ben, c'est ça. Hein? C'est à voir. Et, d'ailleurs, l'an prochain, on va s'appeler E égale clergé 2. On va lire toutes les BD religieuses ecclésiastiques. Wow. Wow. Déjà hâte. Et semble-t-il que les relations de couple n'étaient pas coop à Guyane. Il n'y a pas de meurtre là, dans Guyane au Japon. Ça doit, non, là, je veux dire, ce serait pas la même histoire. Il n'y a pas de sexe non plus. Si on veut un peu de nudité, là, parce que je sais que les gens sont friands. Ça, c'est en noir et blanc, ça prend de la nudité. Oui, c'est même comme en mauvais blanc. En fait, elle parle des émotions qu'elle a vécues. Et elle est dans une espèce de bain public. Là, et la madame est en bédaine. En fait, les madames sont en bédaine. Mais il y a une vieille madame. Donc, il y a une partie qu'on ne voit pas parce qu'elle est plus vieille. Fait que c'est ça. OK. Puis sinon, Zvian nous explique aussi le bidet. Ah. Donc voilà, ça peut servir éventuellement. Oui, ça peut servir. Oui, dans Les Ananas de la colère, il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de sexe. C'est très propre, c'est très pour naïf. Un gros pervers, là, tout le monde. T'es un gros pervers. Oui, si, c'est gentil. T'as pas de pantalon. Ouais, my bad. Ouais. Mais côté meurtre, à partir de la page 22, on voit la première victime et ça n'arrête pas parce que ça se tue là-dedans. Il y a un meurtrier en cavale à Trois-Rivières et nous devons trouver c'est qui. C'est qui? Ben là. Faut le lire. D'accord, 3, 4, je sais plus. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc ou en couleur? Non, pas du tout. Tyler Cross, ça, c'est fait pour être en couleur, je l'ai dit. Les couleurs sont magnifiques. Et ça donne tellement le ton à la bande dessinée. Là, ça serait un sacrilège de mettre ça en noir et blanc. Ah, moi, je pense que le noir et blanc est très approprié au sein de cette BD. Tout ça pour contraster avec la beauté de la couverture qui, elle, est en couleur. Oui. En une couleur, quand même. Une couleur. Ben oui. C'est en mauve et blanc, et c'est bien comme ça, parce que ça nous donne vraiment l'impression que Sviane nous a juste traîné dans son carnet et qu'elle a dessiné. D'ailleurs, il y a un moment où on sent que c'est ça le dessin, là, parce qu'elle est comme attablée à quelque part. Elle a juste dessiné les gens qui sont là. Donc, on perdrait tout ça. Et mention aussi à la couverture qui est rose et jaune et qui rend très, très bien l'essence manga japonaise avec, disons, Sviane, avec des yeux très, très, très, très grands de manga. Oui, de mon côté, je suis un petit peu partagé sur la question parce que la bande dessinée est en noir et blanc, ce qui vient beaucoup appuyer le côté polar, film noir que le style impose. Mais en même temps, c'est une thématique très hawaïenne, alors qu'on aurait pu le faire avec des couleurs très criardes, très colorées, très vibrantes. Ça aurait vraiment bien marché, mais le noir et blanc est vraiment très bien utilisé dans cet album. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Mais dans Tyler Cross, je vous mentirais pas qu'il y a plusieurs personnages féminins qui connaissent un triste sort. Sauf un, quand même, si on peut dire, c'est l'héroïne un peu de la bande dessinée qui s'appelle justement Shirley, ton amie. Ah oui. Shirley Axelrod, qui doit être l'ex de Lucien Francoeur. Shirley, ça doit être la même. Donc, c'est le seul personnage féminin, quand même, qui réussit à s'en sortir avec les honneurs. Je dois dire. Eh bien, oui, il y a des personnages féminins dans La Petite Russie, parce que c'est même un des enjeux, en fait, du récit. En fait, la place des femmes dans le village de Guyenne, où là, que les hommes sont ceux qui prennent toutes les décisions et l'émancipation de la femme, même à l'époque, qui se transpose dans ce village-là. Alors, Antoinette, la grand-mère de Francis Desharnais, et la conjointe du personnage principal, veut prendre plus de place, mais n'est pas toujours capable. Puis, il y a sa belle-sœur aussi, Yolande, qui est en fait la grande-tante de Francis Desharnais. On suit l'arbre généalogique. Deux femmes qui voulaient changer les choses sur place. Donc, oui, c'est un élément central du livre. Alors, ça, j'ai également trouvé ça très intéressant. Le livre s'appelle Sviane au Japon. Donc c'est Sviane au Japon, on le rappelle. C'est ça. Donc, en termes de personnages féminins, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais elle mentionne il y a un resto où elle va manger souvent, où elle est souvent la seule femme, presque tout le temps, la seule femme, que des hommes dans le restaurant. Mais dans BD, c'est pas mal la seule femme aussi. Ouais. Il y a quelques personnages, mais c'est... Ouais. La très grande majorité des personnages des Ananas de la colère sont des femmes. Caton aime bien d'aborder les filles dans la BD. Et d'ailleurs, j'ai écouté une entrevue avec l'auteur. Oui, j'ai fait mes devoirs. Ah, oui, c'est très bien. Et elle faisait référence au fait que la culture tiki fait beaucoup d'objectification de la femme. Alors, les fameuses danseuses Oula avec la jupe en osier, la brassière en coconut, c'est pas très flatteur pour la jante féminine. Alors, elle a décidé de prendre trois danseuses tiki, pas les faire danser, mais les faire jouer au quilles, fumer des clopes et être vraiment badass. Ça donne les trois sœurs Kamea avec l'aînée qui s'appelle Cobra. Alors, si on veut des personnages forts, oui, on est servi là-dedans. Quand même, hein? C'est fort. Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière? Non. Non, juste non, là. Il n'y en a pas question. De mon côté, en fait, je peux pas prendre de bière avec personne parce que l'alcool est interdit à Guyenne. Mais si j'étais capable d'extirper un des personnages à Amos, pas trop loin, pour aller prendre une bière, ben pourquoi je prendrais pas Félix fucking Leclerc BD? T'as une chance. C'est sûr. Ben moi, j'irais prendre une bière avec Sviane parce que je voudrais qu'elle me raconte tout. Je voudrais qu'elle me raconte tout ça. Ou un saké, peut-être. Mais non, mais elle est revenue, là. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Ouais, est revenue. Mais c'est drôle, parenthèse, parce que dans le livre, elle parle du fait qu'elle a fait beaucoup de stories Instagram parce qu'elle avait des données là-bas. Et pour la suivre sur Instagram, c'est vrai qu'elle en a fait. Elle nous en a montré des petites affaires. Mais j'aimerais ça qu'elle me le dise autour de bonne bière. Oui, moi, j'irais prendre une bière avec Ghislaine, la propriétaire du dépanneur chez Ghislaine, qui est également tenancière du malfamé et clandestin bar Barracuda, où est-ce qu'on peut jouer à pige dans le lac dans une tension dramatique insoutenable. Wow. Est-ce que tu trouves un parallèle avec ta propre vie? Si je disais oui, vous passeriez encore plus de mal de moi. Alors, je vais me taire. Ben moi, je vais dire non parce que je ne suis pas Francis Desharnais. Ni Félix Leclerc. Ni Félix Leclerc. J'ai pas eu non plus d'ancêtre de grand défricheur, travailleur de la forêt, tant que ça, à mon souvenir, du moins à mon sens. Fait que je vais dire non, je n'ai pas de parallèle à faire. Mais tiens, il travaillait les PME? Parce ouais, ben, je sais pas, ma grand-mère a déjà été pompiste quand elle était jeune, ah ouais. Tu sais. Puis elle a 96 ans. 18 ans? Elle a presque 100 ans, ma grand-mère. 96 ou 18, là? Ou 18 ans, 96 ou 18 ans. C'est dur à dire, à Star. Dur à dire, à Star. Le monde a l'air jeune. Oui, c'est ça. C'est bien conservé. Mais moi, je vais répondre un peu, parce que j'aime voyager et je fais pas un carnet de dessin, mais un journal de voyage. Et je m'émerveille un peu devant les choses, mais pas autant que Sviane. Alors... Et je voulais rajouter que toi aussi, en ce moment, tu as la face rose et jaune. Tu ne le vois pas, là, mais tu regarderas ça tantôt. C'est peut-être de... Ça s'est peut-être infecté. Peut-être. Ben moi, j'adore les ananas et les drinks fruités. Alors, c'est pas un gros parallèle, là, mais c'est parallèle adjacent. Je pensais que tu as dit « J'aime les ananas et la colère. » Donc oui. Ouais, la colère. C'est mes deux après. Choses préférées. Deux choses préférées, ouais. Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère? Il n'en est pas question. Alors, moi, ça règle oui, le coche vrai. De... Je pense ça... Moi, je dirais oui. En tant que femme qui écoutait Le Temps d'une paix et les femme. Filles de Caleb, ben ma mère. Ah, OK. En tant que, oui, ma mère, c'est une femme, François. Non, mais surprise. On apprend beaucoup de choses sur ta famille, Alex, aujourd'hui. Oui. Alors, en tant qu'amateur d'émission... Tu peux dire ma mère étant une femme, mais c'est oui, correct, c'est continue ça. Ta phrase. Elle écoute Outlander aussi, qui se passe un peu dans l'ancien temps. Là, fait que je vais dire oui, je conseillerais de lire ça. Mais pas tout le temps? Non, pas tout le temps. Juste des fois. Bon, ma mère n'est pas de BD, mais aime beaucoup voyager. Donc, c'est sûr que si un jour elle va au Japon, parce qu'elle a déjà fait comme la Chine, Thaïlande, tout ce bout, même pas Thaïlande, Vietnam plutôt, il me semble que j'y pousserais un peu. Genre, ouais, lis-les donc. Je ferais ça. D'accord. Ouais. Ah, ouais, brusque comme ça, là? Ben oui. Moi, je recommande ça 100 000 à l'heure à ma mère. Si vous avez une mère qui tripe ses vieux romans d'Agatha Christie, là, ça se plug super bien. Ah, ouais, lis-les. Ouais, tout de suite. J'y rentre dans la gorge, là. Ouais, là. Et finalement, la question que tout le monde attend, la question pour laquelle les gens nous écoutent, l'accord BD Breuvage, pour votre bande dessinée, qu'est-ce qu'on lit en lisant tous ces beaux trucs? Eh bien, moi, pour Tyler Cross, tome 3, Miami, je vous suggère un drink que j'ai inventé moi-même samedi dernier. C'est un Miami Neon Flamethrower. C'est 50% rhum, 50% jus de pêche, 50% gaz à lighter. Là, tu mets le feu dedans. Ça fait 150% à ça, François. Guillaume, si je savais compter, là, je ferais pas de la radio pour gratis. Hein? S'il vous plaît. Ben moi, la réponse facile, ce serait genre de boire une bière de la marque La Bite à Tibi, là, qui existe dans toutes les bonnes épiceries ou à peu près. Mais je vais m'élever au-dessus de la mêlée et dire que ça serait bon de prendre ça avec une bagosse brassée dans une coopérative de village, tout genre à, fait, à l'affût à Saint-Tite, qui est exactement ça, une coopérative dans un village. Ben, moi, je vais suivre les recommandations de Sviane pour l'accord BD Breuvage, parce qu'elle s'émerveille encore une fois devant les machines distributrice. Il y en a beaucoup au Japon et il y en a avec des breuvages, bien sûr, chauds, mais il y en a aussi avec de l'alcool, donc du saké, par exemple, qu'on peut prendre dans la machine distributrice. Donc, c'est ce que je propose comme accord BD breuvage. Accord bébé breuvage. Il faut pas boire pendant la grossesse. Breuvage BD, mais il faut aller dans une machine distributrice au Japon puis l'acheter là-bas. Mais pas de face, là, on boit pas pendant la grossesse. Non, pas d'eau, rien, pas d'eau, pas de jus. Aucune hydratation. Non, non, non. Hey, on y est pas avec ça. Faut que le bébé soit au sec. Faut que ce soit du sort dans Bédène de la maman. Là. Et pour les ananas de la colère, la pastille de goût que je lui décerne, c'est fruité et mortel. Et c'est une BD qui est absolument faite pour lire en têtant un bon pina colada bien frappé, bien froid et bien ananasé. Alors, voilà, ça fait le tour des questions de cette édition de Noël de Égal RG2. Je pense qu'on a appris à mieux connaître les bandes dessinées qu'on vous a présentées. Je vous rappelle lesquelles elles étaient. Moi, j'avais François Angers, moi-même. Tyler Cross, tome 3, Miami. Alex Drouin, La Petite Russie, de Francis Desharnais. Tania Beaumont, avec Sviane au Japon, de Sviane. Et Guillaume Plante, avec Les Ananas de la Colère, de Caton. Et nous n'étions pas commandités par les éditions Pampard. Non, ça l'a donné de même. On les aime comme ça d'amour. Ils sont juste bons de même. Puis si jamais vous êtes allé acheter toutes les BD qu'on a dit de faire pause, puis vous avez déjà fini de les lire, emballez-les puis donnez-les en cadeau. Vous avez encore le temps. Et là, vous nous avez écoutés comme ça et vous vous dites « Mon Dieu, ces gens sont donc bien intelligents ». Et vous avez tort, mais nous, tous nos épisodes sont quand même... si vous voulez écouter tous les épisodes de Égal RG2, c'est très possible. On est, tous les épisodes sont disponibles en balado sur iTunes, également sur Google Play. Et je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu depuis le mois de juin, je pense? Non, septembre, c'est vrai. J'ai pas de... Moi, les mois, là... Donc, je veux savoir, selon vous, à combien d'abonnés Google Play est-ce qu'on est rendu? Hey, là. Mon Dieu. Je veux dire 25 en l'heure de Noël. Ben moi, je pense que ça a comme débourré, là, puis on en a 200. Guillaume? Non, on n'aura jamais. On n'a pas, exactement, Guillaume, on n'en a pas et on n'en aura jamais. On est à zéro abonné. Qu'est-ce qui se passe? Sur Google Play. Je sais pas. Voilà, alors... On est également sur Facebook, facebook.com/RGCKRL. Et il y a notre Twitter, hashtag Matraquemol, si vous voulez nous écrire sur Twitter. Okay, si Matraquemol. Même si Twitter a été pris d'assaut par l'alt-right. Oui. Nous, on est là. On se réfugie dans le mot-clic à Matraquemol. Matraquemol. Écoute, c'est presque la fin, mais c'est Noël. Et évidemment, Noël dit échange de cadeaux. On s'est fait un petit échange de cadeaux quand même avant de venir en onde. Et j'aimerais ça qu'on fasse ça un peu en direct comme ça, devant tous nos auditeurs. Fait que là, il faut donner notre cadeau à personne. Alors, on donne notre cadeau donc à la personne qu'on a... Et on va les déballer tout en même temps, s'il vous plaît. Parfait, moi j'ai pigé toi, François. Ah, tu m'as pigé. Ouais, moi, je t'ai pigé, Alex. Je t'ai pigé aussi, tu sais. Moi, j'ai pigé Guillaume. Donc, forcément... J'ai pigé Tania. Ah! OK, alors on déballe. Ouais. On s'est tous acheté un goniomètre. Ben oui, toute la gamme. Le même goniomètre. Ah, moi, j'ai un goniomètre mijoteuse Ricardo. Hein, chance, Tania, où c'est que t'as pris ça? Ben là, à l'espace Ricardo, bien sûr. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Merci, Guillaume. Si jamais il brise, tu le feras réparer par Francis Darnay. Oui, on sait ce que ça a donné la dernière fois. La semaine prochaine, il n'y a pas d'émission parce qu'on n'est plus en onde, mais qui sait, peut-être serons-nous en onde l'été prochain pour une autre ronde de RG2, égal RG2. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ou clair G2. Ou clair G2. Oui, RG2. C'est pas, moi, je ne le rejette pas d'office, là, cette idée-là. Alors voilà, merci à tout le monde d'avoir été là. Plaisir. Merci à toi, François. Ben oui, merci. Écoute, on va dire nos noms une dernière fois. Tania Beaumont, merci beaucoup. Joyeux Noël, bonne année. Guillaume Plante, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Merci, bonne année. Alex Drouin, joyeux Noël, bonne année. Joyeux Gognot, tout le monde. Joyeux Gognot, oui, on vous en souhaite beaucoup de Gognot d'année. Et des Gognot à tous les hommes de bonne volonté. Mon nom est François Angers. Je vous dis peut-être à l'année prochaine.